L'actualité à Nancy et ailleurs. Le Jardin du Michel a annoncé sa programmation pour la 21e édition du festival qui aura lieu du 22 au 24 mai 2026. Pendant 3 jours, les festivaliers de tous âges vont en prendre plein les oreilles. Entre concerts revival et têtes d'affiche pop, l'édition 2026 du Jardin du Michel s'annonce déjà unique. Cette édition se veut plus proche et plus à l'écoute de son public. L'affiche de cette année, par exemple, met en avant les festivaliers. Donc on a confié le projet à l'agence Zoo avec laquelle on bosse depuis déjà quelques années sur les visuels d'édition. Et ça leur a plu, ils s'en sont emparés et en fait ils nous ont fait un visuel très coloré, très joyeux, très fourmillant avec une masse de festivaliers. Masse de festivaliers générés à l'infini sur ce visuel et certains festivaliers se sont reconnus dans ce Où est Charlie version JDM. C'est ce que nous a expliqué Marion, chargée de communication pour le festival. En fait, ce qui est très drôle, c'est que quand on a publié le visuel, on a certains festivaliers qui se sont reconnus dans l'affiche alors que c'était pas forcément notre volonté de les mettre eux en particulier, mais du coup c'est le signe que le public s'est vraiment approprié cette affiche. Et d'autres surprises étaient présentes dans ce visuel avec des clins d'œil aux artistes de la programmation, avec des indices sur la présence de certains d'entre eux. On pouvait retrouver par exemple... On avait mis un cristal au milieu de nulle part pour Roland Cristal, et en fait c'est très drôle parce que les gens ont tiqué sur le cristal mais n'ont pas forcément fait le lien avec l'artiste. Un caillou avec un S gravé dessus pour sniper, pour graver dans la roche. On a mis une bécane pour Yamé. On a mis un gros téléphone pour Louis Bertignac. Donc là, on a 2-3 personnes qui ont tiqué sur le téléphone et qui effectivement... Alors, on a soit du Jean-Louis Aubert, soit du Louis Bertignac dans les réponses en commentaire. Le JDM, c'est aussi un festival fédérateur. Et pour reprendre les mots de Pierre Maffeis, le président du festival... Moi, j'adore voir une personne qui est en retraite, voilà, pour pas donner d'âge, et puis avec un jeune qui a 14 ans, et qui profite. Hein, nous, l'objectif, c'est de réunir tout le monde sur un axe majeur qui est la musique, mais aussi la convivialité, la fête, et voilà, et la bonne humeur, quoi. Et pour fédérer un maximum de personnes cette année, il y a une nouvelle stratégie billetterie qui a été élaborée par les équipes du Jardin du Michel. On a remis en œuvre, par exemple, des tarifs progressifs, entre guillemets, sous le symbole de plus tôt tu prends ton billet, moins il coûte. On a aussi toujours cette diversité de tarifs pour les plus jeunes, hein, voilà, que ce soit du 11-14 ans, que ce soit du tarif jeunesse, du pass culture, etc., etc. Et dans cette nouvelle stratégie billetterie, on notera l'apparition cette année du tarif tribu à 38 euros. Qui vont permettre de venir en groupe et donc du coup d'avoir un prix du billet qui est diminué pour chacun. Donc, voilà, hein, c'est toujours une réflexion permanente, la billetterie, chaque année, toujours avec cette volonté que le festival soit à l'équilibre, d'un côté forcément, mais de l'autre de faire en sorte qu'il soit au niveau tarif le plus accessible possible et de donner au moins un maximum de possibilités aux différents festivaliers qui viennent chaque année. Côté programmation, on retrouvera un vendredi Revival avec Sniper, Negmar ou encore Magic System, un samedi grand public avec les présences notables de Bigaranx ou encore d'Adèle Castillon, et un dimanche éclectique où l'on passera de Lilywood and the Prick à Offenbach en passant par Saint Graal ou encore Louis Bertignac. Il y aura également cette année une troisième scène qui sera la scène de l'After, et vous pouvez aider le festival à choisir le nom de ce nouvel espace scénique dont on en saura plus dans le courant des semaines à venir. Il y a également quelques paris dans cette programmation, aussi bien sur la tête d'affiche qu'à d'autres endroits de la programmation. Et ça, c'est Cindy, la directrice et programmatrice, qui nous en parle. Qui est une tête d'affiche électro cette année. Donc c'est vrai que c'est un pari, c'est Offenbach, avec un tout nouveau spectacle avec leurs clones qui vont venir transformer le Jardin de Michel en boîte de nuit dimanche soir pour se reposer le lendemain, puisque c'est férié. Voilà. Une tête d'affiche électro d'un côté, des artistes émergents qui sont des coups de cœur des programmateurs du JDM. Et Tracy de ça, Yamé, c'est vraiment des coups de cœur un peu de Alex Quentin et de moi pour la programmation. Donc Tracy de ça, donc figure vraiment féminine sur le vendredi qui est déjà bien masculin, ça va être parfait avec son flow hip-hop qui va en découdre. Et le samedi, Yamé, l'ovni du moment, donc il fallait qu'il passe chez nous. Également la présence notable cette année d'Adèle Castillon qui aurait dû être programmée au NJP et qui malheureusement a dû être annulée, qui sera présente à Dom Martin-les-Toul cette année. C'est vrai que on a vu qu'il y avait un public qui était en attente de Adèle Castillon. En plus, elle a été à Décibule l'année d'avant et on a pu discuter aussi avec, avec Pierre, le programmateur, qui nous disait qu'il y avait un public qui était en folie devant Adèle Castillon et qu'il y a toujours de l'attente. Et on s'est dit, bah, c'est ce qui manque un peu aussi au Jardin de Michel, c'est un peu ces artistes féminines-là, un peu pop, qui attirent voilà, un public 20-25 ans. Donc on a pris le pari ouais, sur Adèle le samedi. On est contents. Le tout avec une volonté assumée de mélanger artistes de niche, mais également artistes grand public. On voulait être aussi bien populaire, et notamment sur le dimanche, mais aussi être pointu sur certains styles le vendredi et le samedi, et faire plaisir un peu à ces artistes-là, qui ont aussi besoin de nous, festival, pour sortir un peu de terre et connaître leur propre public. Et évidemment, les artistes locaux ne seront pas en reste puisque le tremplin du Michel est de retour et la nouvelle scène sera faite pour ça, avec notamment la présence de collectifs locaux de musique techno qui seront là pour animer en partie la vie du camping. Vous l'aurez compris, le JDM c'est de la convivialité, du local et de la bonne musique. Alors rendez-vous les 22, 23 et 24 mai 2026 à Dommartin-les-Toules pour la 21e édition du Festival du Jardin du Michel. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà prendre vos billets sur le site internet du festival ou alors continuer de chercher Michel sur l'affiche. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.